Histoire vivante, c'est tout de suite au programme Justice et écran ou comment le cinéma parle du droit international. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, justice et écran. Tous nos témoins sont soumis à une forte tension. De Nuremberg à plus tard. Ce tribunal fonctionne selon des règles. Le droit et l'image. La plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient. Je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale. Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit. Pratiquement tous les pays du monde reconnaissent sa juridiction. Pas les États-Unis. Les garanties sont une chose et les réalités une autre. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Il y a assez peu de films critiques de la justice pénale internationale si on compare avec la littérature. Vous m'envoyez désolé, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de votre avocat. En fin de compte, il va se retirer ici avec la pension que la CIA lui verse. Et il vous enverra à vous et votre putain de tribunal de crimes de guerre vous faire foutre. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte. Alors, voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je m'appelle Anne Lagerval et je suis professeure de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Qu'est-ce qui a primé le goût d'enseigner, l'amour du droit ? Ah oui, l'amour du droit, écoutez, je trouvais que c'est intéressant. En effet, c'est une discipline qui est à la fois technique et qui peut être extrêmement complexe dans ses détails, dans ses interprétations. Et puis, il s'agit aussi d'un langage, ben justement, qui ouvre aussi à différents sens, à différentes significations, qui sont parfois investies par des considérations politiques fortes ou par des considérations plus morales fortes. Et c'est sans doute là la raison pour laquelle le droit, et en particulier le droit international, ont piqué ma curiosité assez rapidement. Vous nous offrez, et on vous en remercie, la vision du verre à moitié plein. On pourrait dire aussi, à l'inverse, que le droit a tout fait pour être peu lisible, peu compréhensible, en multipliant notamment le jargon que l'on sait, dès lors que l'on côtoie le monde des avocats ou le monde du juridique en général, tout fait pour se couper du reste, comme d'ailleurs Molière s'en était beaucoup amusé avec les médecins. C'est un langage effectivement qui a gagné beaucoup en technicité. Je pense que peut-être aussi que ce caractère plus technique peut s'expliquer par une certaine complexification de la société, des technologies. Mais vous avez raison, certainement que les juristes pourraient apprendre à parler plus simplement pour pouvoir traduire de manière adéquate les enjeux des débats juridiques qui peuvent se nouer sur tous les sujets de société. Et je pense que c'est peut-être aussi cela qui m'a amené à endosser la carrière d'enseignante pour pouvoir expliquer finalement les choses simplement, parce que je crois que c'est tout à fait possible de le faire. Comment enseignez-vous et qu'est-ce que vous enseignez ? Ah, donc j'enseigne, moi, le droit international public, donc les règles qui régissent principalement les rapports entre les États, mais aussi parfois les rapports entre les États et les individus avec tout le domaine des droits de la personne. J'enseigne les théories du droit international parce que je pense que ce corpus de règles peut parfois faire l'objet d'interprétations divergentes qui s'expliquent par les postulats, les principes, les fondements sur lesquels on fonde ce droit et qui, selon la manière dont on les définit, peut amener les juristes à interpréter ce corpus de règles de manière différente. J'enseigne aussi des approches féministes des droits de la personne, puisque le droit a longtemps été un corps de règles qui a été fait par les hommes pour les hommes et qui explique donc souvent la teneur de ces règles. Et puis j'enseigne aussi le droit belge et les aspects sociologiques du droit belge. Et donc c'est vous dire si finalement je suis aussi très intéressée par un regard parfois externe qu'on peut poser sur la règle juridique. In that the defendants are charged with crimes committed in the name of the law. These men, together with their deceased or fugitive colleagues, are the embodiment of what passed for justice during the Third Reich. Vous avez participé, Anne Lagerval, à cet ouvrage collectif du droit international au cinéma, avec notamment un article intitulé « Quand la justice pénale internationale tient le premier rôle ». je suis pas trop mauvais parfois en cinéma. C'est vrai que si on m'avait dit de sortir 10 films comme ça dans lesquels la justice internationale a tenu le premier rôle, 1, 2, peut-être 3 me seraient venus à l'esprit, mais j'étais très très vite à sec. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider à dresser une sorte de premier panorama fait à la fois des évidences, encore que tout le monde ne va pas voir forcément ce genre de film, c'est à titre d'intérêt personnel que j'y vais, mais il faut le rappeler au grand public qui nous écoute, qu'est-ce qui existe sur le marché, et puis les évidences, et j'allais dire les blockbusters, bien que ce soit peut-être pas le terme qui soit vraiment adapté, et puis ceux qui sont plus discrets, plus voilà, mais peut-être pas forcément aussi inintéressants. For only a judge knows how much more a court is than a courtroom. It is a process and a spirit. It is the house of law. Alors c'est vrai que quand on pense à la justice pénale internationale, on n'a pas pléthore de films qui nous viennent à l'esprit, vous avez raison de le souligner. Peut-être qu'on pense à Jugement à Nuremberg, qui est quand même une œuvre majeure qui date des années 60 à ce moment-là. Et là, ça c'est souvent un film auquel on peut se référer. Mais c'est vrai qu'à part cette œuvre-là, et en particulier son réalisateur, qui s'est d'ailleurs intéressé à l'occasion d'autres films qu'il a réalisés, sur aussi le procès de Yamashita ou d'autres procès, il y a peu de réalisateurs qui se sont vraiment intéressés à la justice pénale internationale. Ça ne veut pas dire qu'on trouve pas de référence à la justice pénale internationale au cinéma. Souvent, elle est parfois évoquée, mais c'est vrai qu'elle est parfois évoquée de manière assez limitée, en passant, et que ce n'est pas forcément la justice pénale internationale qui tient le premier rôle. Mais je dois dire que depuis les années 2000, on voit de plus en plus de films ou de séries télévisées ou de téléfilms qui s'intéressent à cette question. La procureure Franken souhaiterait vous interroger, monsieur Winch. C'est au sujet d'un compte bancaire secret qui a servi à payer un général birman. Il y a 3 ans, le général Kwao Min et ses hommes ont détruit le village de Kaipu. Je vous soupçonne d'y être allé sur ordre de votre père. Le jour même où j'annonce la création de ma fondation, un procureur débarque chez moi et m'accuse de crime contre l'humanité. Ça, c'est une coïncidence. La théorie du complot. En conséquence, j'ai décidé d'inculper Monsieur Largo Winch de complicité de crime contre l'humanité. Alors, peut-être que vous avez vu le film Largo Winch 2, par exemple. Eh bien non, je l'ai loupé. Eh bien, écoutez, là, quand même, c'est une histoire d'un mania de la finance, Monsieur Winch, qui va être poursuivi par la procureure de la Cour pénale internationale, qui est incarnée par Sharon Stone, pour des crimes dont on comprendra par la suite qu'il ne les a pas commis. Mais ça, c'est quand même une apparition de la justice pénale internationale comme sujet principal d'un film à grande diffusion, un film un petit peu hollywoodien. Après, il y a d'autres films auxquels on peut penser. La Révélation, vous l'avez peut-être vu, de Hans Christian Schmidt, qui est sans doute là un film qui a une diffusion peut-être un peu moins importante qu'un blockbuster comme Largo Winch, mais qui là va véritablement s'intéresser au fonctionnement du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et tout le film tourne véritablement autour d'une affaire, de la manière dont les procureurs s'entendent pour déterminer qui ils doivent accuser, de quoi ils doivent l'accuser, quelles sont les pressions internes, externes qu'ils subissent. Donc ça pourrait être aussi un exemple dans lequel là la justice pénale internationale tient véritablement le premier rôle. Je déclare pour le procès-verbal que le témoin a clairement identifié l'accusé, le général Goran Doric, comme l'officier responsable des déportations de Kasmaï. Tous nos témoins sont soumis à une forte tension. Il s'agit de limiter les dégâts. Un témoin se pend après avoir témoigné, ça fait du bruit, c'est évident. Le président du tribunal doit prendre position. Ceci n'est pas un contre-interrogatoire. Nous devons trouver une solution à ce problème. Le problème, c'est que nous risquons de perdre ce procès. Ce qui fait que nous allons devoir payer des dommages et intérêts à un criminel de guerre pour le temps qu'il a passé derrière les barreaux, accusé à tort, puisque nous n'avons aucune preuve après 3 ans de procès. Monsieur Mladarovitch, please just describe what happened that day that you saw the accused at the school. Anna Gorval, quand on prend des films aussi différents que La Révélation ou Largo Winch, l'un étant destiné à distraire avant tout son public et l'autre, tout en n'omettant pas l'idée de distraire, mais de l'aventurer à comprendre un certain nombre de complexités liées à la justice internationale, il y a la possibilité qu'à l'issue de cela, la justice internationale, tout en ayant un rôle important, notamment dans le film La Révélation, n'est finalement pas le très beau rôle. Est-ce que les deux films que vous avez cités, dans lesquels la justice internationale n'a pas évidemment le même rôle, finit par faire bonne figure à la fin et garder auprès du public une bonne image? Ou au contraire, ces films-là participent-ils, ça va peut-être vous permettre d'amener la suite, à, je dirais pas une campagne cinématographique concertée, mais tout de même, c'est vrai que le cinéma semble ne pas rendre justice, si j'ose dire, pardon pour l'expression, à la justice internationale. Je dirais que ces deux films, comme d'ailleurs la plupart des films, tendent plutôt à donner de la justice pénale internationale une image assez positive, ou en tout cas de donner de l'ambition que poursuit la justice pénale internationale une image assez positive. C'est même le Largo Winch. C'est bien plus clair dans l'affaire de Largo Winch, parce que là, Sharon Stone incarne vraiment une procureure extrêmement pugnace. Elle est pugnace, elle est très touchée par le sort des victimes, elle veut se battre pour que ces victimes puissent avoir justice, elle veut se battre même contre les plus puissants de ce monde, et en particulier contre cet homme Largo Winch qui est à la tête de ce groupe financier. Elle ne lésine sur aucun moyen, elle part à la recherche de preuves à bord de sa vedette ultra rapide pour saisir des documents au large des côtes asiatiques. Elle va interviewer des témoins. On sent véritablement qu'elle est habitée par ce désir de justice. Alors c'est vrai qu'on comprend qu'elle se trompe de cible, parce qu'en fait on se rend compte qu'elle est manipulée par des forces externes, mais ses intentions sont tout à fait louables, et c'est en tout cas ce que le film décrit. Et à vrai dire, cette image-là n'est pas très très différente de l'image de la procureure dans La Révélation. Parce que cette procureure se bat aussi pour que justice soit faite et pour que justice soit rendue aux victimes, en particulier d'une victime avec laquelle elle va tisser au long de cette affaire dont elle est saisie une relation assez intense, cette femme qui a été victime de certains viols. Et cette procureure va véritablement essayer de faire en sorte que ces crimes fassent partie d'une affaire. Et là, elle va se heurter, c'est vrai, à des considérations d'ordre de la réalpolitik, disons, parce que le procureur en chef, qui a une autorité sur elle, estime qu'il vaut mieux ne pas évoquer ces crimes sexuels parce que ça risquerait d'entacher la réputation d'un homme qu'on pressent comme un homme pouvant avoir un rôle important dans la reconstruction de ce qui était l'ex-Yougoslavie. Mais alors c'est vrai qu'il y a ces tensions internes et qu'on a l'impression que là le politique et le juridique entretient des relations un petit peu incestueuses qui sont néfastes, mais ça reste une critique assez mineure dans la mesure où ses intentions à elle sont véritablement mises en exergue, et le spectateur est invité à se rallier un petit peu du côté de cette procureure, et à aucun moment ses rapports incestueux avec le politique ne sont présentés comme étant des interactions légitimes. On pourrait imaginer que ça a parfois du sens de ne pas poursuivre tout le monde ou de ne pas poursuivre pour tous les crimes. En tout cas, dans d'autres films, ce sont des considérations qui ont parfois pu être validées d'une certaine manière par le film. Et donc c'est en ça que je trouve que même le film La Révélation, même si c'est vrai qu'on garde un goût de trop peu, et qu'en interviewant parfois les gens qui sortaient des salles de cinéma, ces personnes pouvaient dire qu'elles trouvaient que cette justice pénale internationale fonctionnait quand même mal, mais le principe même de la justice pénale internationale et le principe même du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'est pas fondamentalement remis en cause par ce film La Révélation. Laissez-moi tranquille. Mais le seul moyen de faire payer ces hommes est de reprendre une vie normale. Vous voyez bien de quoi ils sont capables. Vous serez en sécurité avec nous. Je ne peux pas. Mira, je vous en prie. Depuis que Durich est allé à La Haye, plus rien ne va, et tout ça, c'est de votre faute. Vous savez que ce n'est pas vrai. Laissez-moi tranquille, ou ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera pas tant que vous continuerez à fuir. Mira. Mira! Lagerwal, vous souvenez-vous de la comédienne qui jouait le rôle de la procureure dans le film allemand La Révélation? Ah non, je ne me souviens plus de son nom, mais je vais pouvoir le retrouver. C'était un quiz d'origine extrêmement méchante, lié à mon caractère. C'était simplement pour vous amener à l'idée que ça ne boxe pas dans la même catégorie si on reste sur les deux films que l'on a cités. Parce que dans un cas, on peut citer Sharon Stone, et Sharon Stone sur son canot rapide, j'ai pas d'équivalence dans la vie parce que je ne vois même pas Carla Del Ponte est un jour arrivée sur une vedette ultra rapide. Donc on a l'impression là que d'un côté on fabrique des espèces de marionnettes probablement un peu archétypiques, extrêmement loin de la réalité, là où dans La Révélation on est peut-être un petit peu plus soucieux d'une certaine véracité. Oui, mais alors, vos remarques, elles m'amèneraient en fait à classer les films en donnant des mauvais points et des bons points. Ce que vous vous refusez à faire. Mais disons que je vais vous expliquer la raison pour laquelle je trouve qu'il ne faut pas forcément accorder plus de crédit à des films qui sont plus respectueux du droit international ou qui traduisent mieux ces règles-là que les films qui proposent des interprétations un petit peu plus flexibles ou fantasques parfois, c'est vrai. Essayez de me convaincre. Écoutez, parce qu'en fait, il me semble que ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que ce cinéma va imprégner certaines images ou certains sentiments aux yeux des spectateurs. Et au fond, comme vous le soulignez, ces grandes productions hollywoodiennes touchent un public beaucoup plus large et justifient peut-être qu'on s'intéresse tout particulièrement aux interprétations ou aux images ou aux sensations que ces films parviennent à traduire auprès de leur public. Selon l'article 25, une personne est coupable d'un crime de guerre si cette personne facilite la perpétration d'un tel crime, ou l'aide, ou l'encourage, ou y apporte de quelque façon son concours. C'est plutôt exagéré. Eh bien, étant votre avocat, je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale. Alors, je vais vous dire aussi que certains films d'auteurs peuvent parfois aussi proposer des interprétations qui ne sont pas tout à fait correctes quand on pense à The Ghostwriter, par exemple. Roman Polanski. L'idée qu'un ex-premier ministre britannique puisse être jugé par la Cour pénale internationale. Bon, c'est vrai que c'est possible, mais ça n'a pas vraiment été encore le cas. Et dans l'affaire en question, il n'est pas si évident que les faits qu'on lui reproche, à savoir d'avoir éventuellement livré certaines personnes à des groupes qui pourraient utiliser des traitements inhumains et dégradants, ce n'est pas évident que ça rentre dans une définition des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide, crimes et des crimes d'agression, crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est compétente. Donc, quittons d'une certaine manière la question de savoir si ces interprétations sont exactes ou non pour nous intéresser plutôt à ce que ces films traduisent. Et au fond, ces grandes productions que sont par exemple The Ghostwriter ou que sont Largo Winch, à mon avis, elles alimentent quand même l'idée d'une justice pénale internationale très puissante qui fait frémir les dirigeants d'État, les membres du gouvernement, une entreprise judiciaire à laquelle on se rallie d'une certaine manière, convaincu qu'on est que cette justice va pouvoir aider les victimes, va pouvoir mettre derrière les barreaux les auteurs des crimes les plus abominables. Et ça, c'est quand même une idée qu'on retrouve tant dans ces blockbusters que dans les films d'auteur. Alors c'est vrai qu'on a quand même parfois des critiques, et des critiques un petit peu plus radicales, c'est-à-dire des critiques qui viennent véritablement saper la légitimité même de cette entreprise de justice pénale internationale, qui vient poser la question de savoir, mais est-ce qu'il est véritablement légitime de mettre en place ces tribunaux et de juger ces personnes ? Donnez-moi les moyens que je vous demande, et au plus vite. Car je vous le répète, il s'agit de milliers de civils en 4 jours seulement, dont le seul crime est d'avoir été de confession musulmane. On n'a pas vu ça en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout ce que vous avez demandé est là. Voilà, ils y sont tous. Ils ont tous participé au nettoyage ethnique, ils sont tous sous les ordres de Mladi. Sauf que ces critiques, elles sont souvent émises soit par les accusés, des accusés qu'on a souvent vus commettre des crimes tout à fait abominable durant le film, et donc il est évident que le spectateur ne se rallie pas véritablement à ce point de vue. Je pense notamment à Résolution 819, où ça, c'est un film français avec Benoît Magimel et Hippolyte Girardot. Ou alors, on a une autre critique qui est une critique qui vient plutôt des victimes et qui veulent en fait se dispenser de tout procès en se disant en fait une petite exécution extrajudiciaire fera parfaitement bien l'affaire aussi. Mais là, à nouveau, les films prennent une certaine distance avec ce genre de propos. C'est le cas de La Traque de Laurent Jaoui, où là, on voit aussi qu'il y a parfois une tentation juste... Il faut juste dire en un mot que c'est autour du couple... Klarsfeld, tout à fait, et de leur traque de Klaus Barbie. Michel, arrête-toi. Yat, tu vas te dénoncer pour tentative d'enlèvement. Quoi ? Même raté, un enlèvement reste un délit, non ? Tu vas te constituer prisonnière, comme ça Lichka sera obligée de porter plainte. On aura notre procès. On pourra le traîner en justice. Mais attends, tu veux qu'elle aille en tôle ? Ça sera pas la première fois. Monsieur le procureur, vous allez être obligé de nous juger. Alors que le chef de la Gestapo, Kurt Lichka, qui a déporté 73 000 juifs français... est toujours en liberté. Guten Tag, ich spreche Beate Klarsfeld. Können Sie mich bitte mit dem Oberstaatsanwalt verbinden? Et puis, il y a d'autres critiques qui sont, elles, parfois émises par des observateurs un peu plus neutres. Je pense notamment à The Reader, qui a eu quand même un certain succès avec Kate Winslet, qui incarne cette femme qui a été garde de camp de concentration et qui... s'est rendue d'une certaine manière responsable de la mort des prisonnières qu'elle avait sous sa garde, mais qui était tout en bas de l'échelle de commandement, disons. Et donc, elle va être poursuivie devant les tribunaux allemands, et c'est l'histoire de ces procès. Mais en même temps, on a aussi des discussions assez intéressantes qui se passent à la faculté de droit, où là, un étudiant va dire que ce procès auquel il assiste, il trouvait que c'était une bonne chose au début, et puis finalement, il se rend compte qu'en fait, ce procès a lieu là simplement parce qu'une des victimes a écrit un livre et que ça, du coup, eu un retentissement et qu'on a choisi ces quelques gardes des camps de concentration, que ce sont un peu des boucs émissaires, finalement. Donc, on a parfois, comme ça, quelques personnages qui émettent une critique un peu plus radicale de ces entreprises judiciaires, mais ça reste quand même assez rare. Silence dans la salle ! Nazi ! Je m'appelle Anna Schmitz. Vous vous êtes engagée chez les SS en 1943 ? Et recherchez des gardiennes. Les sociétés croient fonctionner grâce à ce qu'on nomme les valeurs morales, mais c'est faux. Elle faisait lire ses femmes à voix haute. Vous choisissiez des femmes et vous disiez « vous et vous et vous, on va vous envoyer à la mort », c'est ça ? Non, non ! Anne Lagerwal, parmi les critiques éventuelles qui peuvent être adressées par le cinéma ou les séries fiction envers la justice internationale, il y en a une que je ne vous ai pas entendu prononcer et qu'on pourrait résumer, je crois d'ailleurs que c'est une réplique dans un des films indiqués dans l'ouvrage du droit international au cinéma, peut-être est-ce dans votre article, « Bienvenue aux Nations Unies ». Sous-entendu, évidemment, bienvenue dans l'immense machine administrative pleine de son inertie propre. Est-ce que ça, le cinéma ou la série-fiction s'en est mêlé, sachant qu'effectivement, de ce que l'on sait de certains procès, soit au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, soit etc., c'est qu'ils sont absolument interminables et que, bien souvent, par lassitude, ce qui a été un moment l'intérêt du public finit par sombrer dans les abîmes de l'oubli, tout simplement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est évoqué, sachant que c'est l'une des problématiques auxquelles se heurte évidemment la justice internationale, c'est que ça doit brasser de l'énorme, du paquebot, et que ça suppose effectivement de très grandes inerties. Oui, alors... on a parfois des interrogations qui sont faites au niveau des tribunaux militaires internationaux qui doivent agir rapidement mais qui en même temps doivent quand même se mettre d'accord sur l'identité des personnes qui vont être poursuivies devant les tribunaux. Et ça génère parfois une réflexion assez longue. Et c'est une réflexion qui a par exemple été mise en scène dans un film qui s'appelle Crime de guerre et qui explique la mise en place du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, donc le tribunal de Tokyo, qui a jugé toute une série de responsables politiques et militaires japonais après la Deuxième Guerre mondiale. Le président m'a donné 10 jours pour mener une enquête et démontrer quel rôle a joué l'empereur pendant la guerre. Vous autres avez réduit en cendres deux de nos vies. Mais la justice doit être appliquée. Vouloir se venger, ce n'est pas pareil que vouloir la justice. Je n'ai jamais encore rencontré d'empereur, ni encore moins un dieu. Bon sang, qu'est-ce qu'on est censé dire à un dieu ? Et ça a été aussi un petit peu évoqué dans une autre production qui est plus récente et qui s'appelle The Tokyo Trial. C'est une production sur Netflix qui date de 2016. We are being asked whether or not these leaders conspired to plan and wage aggressive war. We are also being asked to consider crimes against humanity. There's been no more important criminal trial in all history. Et là, on voit que, effectivement, la justice prend du temps, mais je ne dirais pas que cette circonstance est vraiment critiquée. Pourquoi ? Parce que les deux films traduisent bien l'idée que la question est complexe, qu'il faut qu'on détermine, par exemple, si l'empereur Hirohito doit être accusé ou ne doit pas être accusé, qui est-ce qu'on va choisir parmi ses dirigeants, dont on sait que quand il y a des crimes de masse comme ça qui sont commis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont impliquées. Comment les choisir ? Et donc, je dirais que les spectateurs sont plutôt amenés à comprendre que ça prend du temps. C'est le cas aussi avec une mini-série qui s'appelle Nuremberg avec Alec Baldwin dans le rôle du procureur, où là aussi, on comprend que la justice pénale internationale, ça prend du temps. Aujourd'hui, les accusés demandent au tribunal de dire qu'ils ne sont pas coupables d'avoir planifié, exécuté ou conspiré pour commettre cette longue liste de crimes et d'injustices. Tous ces hommes sont devant vous comme Gloucester, les mains tachées de sang, se tenait debout devant le corps sans vie de son roi. L'homme supplia la veuve, comme il vous supplie. Dites que je ne les ai pas tués. Et la reine répliqua, alors dites qu'ils n'ont pas été tués. Mais morts ils sont. Si vous deviez dire que ces hommes ne sont pas coupables, cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas eu de tuerie, qu'il n'y a pas eu de guerre, qu'il n'y a pas eu de crime. Je dirais même que parfois, ces films traduisent l'idée qu'il faut laisser à la justice pénale internationale encore plus de temps pour ne pas aller à la va-vite, pour ne pas justement être une mascarade de justice. Et c'est le cas, par exemple, dans La Révélation, où le fait que le procureur, à un moment donné, pour des soucis d'efficacité, veut écarter aussi certains crimes, est quand même plutôt décrié par le film. Et on sait d'ailleurs que Hans Christian Schmidt, le réalisateur de La Révélation, s'est entretenu avec les procureurs ou avec des gens proches du procureur, notamment avec Florence Hartmann, qui l'a un petit peu conseillé au niveau du scénario, et où il livre dans des interviews le fait qu'il s'est rendu compte à cette occasion que les procureurs ou que le tribunal de manière générale est sous une certaine pression pour terminer les affaires dans un certain délai, et qu'il semble quand même regretter d'une certaine manière cette pression parce que ça ne permet pas véritablement aux procureurs ou aux tribunaux de faire le travail qu'ils devraient faire. Thank you. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui des extraits de Jugement à Nuremberg, L'Argo Winch, The Ghostwriter, Résolution 819, La Traque, The Reader, Crime de guerre, Tokyo Trial et Nuremberg. Et la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jean-Philippe Zalen. Réécoutez et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.